la nuit à se gratter l'oreille avec un bout d'allumette. Le cendrier est plein et lui il est pareil, il doit relever la tête. Épuiser ce cafard, putain de vie, l'amour détruit, putain de vie, toute une nuit à écrire des pages explicatives, et elle n'a pas compris. Il aime et il la quitte, il est sur le qui-vive, il ne peut plus vivre ici. Cette cage dorée l'étouffe, elle vit s'use, elle en abuse. Putain, putain de vie. Il veut se lever sur son corps, l'enrubanner de ses longs bras, détire l'heure du corps sous les draps et violer son âme à l'aurore. Le problème, puisqu'il y a, il est dans la confiance, un retard et c'est la panique. Leurs exploits dans l'amour ne jouissent que dans un sens. Complice, c'est platonique. Sa faiblesse, c'est de l'aimer. Elle en rigole et lui ras-le-bol. Putain, putain de vie. Elle lui a dit trouve un job, une carrière stable, que je sache combien dépenser. Arrête la guitare, plus de vin à table, je sors, tu coucheras le bébé. Tu complotes avec tes potes, tu me délaisses, ma vie s'affaisse. Putain, putain de vie. Je vais me lever sur ton cœur, t'enrubanner de mes longs bras, vêtir nos deux corps sous les draps et violer ton âme à l'aurore. Cette chanson sur les ondes, elle se reconnaîtra. Il n'est jamais trop tard. 10 ans d'amour pour elle, il s'en remettra pas. Déconditionné, il part. Elle pensera que c'est pour une autre. Bonne chance, Joliette. Adieu, vie de paix. Putain, putain de vie. Accoudé à la fenêtre, le soleil n'est plus rouge, il a un peu mal à l'oreille. Il vide le cendrier, il y a plein de monde qui bouge. Il remercie le ciel. Quel âge est-il pour vivre? Putain de vie, l'amour détruit. Putain, putain, putain de vie. T'as su te lever sur mon corps, m'enrubanner de tes longs bras, vêtir nos deux corps sous les draps. T'as violé mon âme à l'aurore.